Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le condon, de l'Antiquité aux années SIDA. À une époque, on parle beaucoup des maladies transmises sexuellement et du SIDA. Est-ce que vous achetez des condons? Moi? Oui. J'utilise jamais ça. Pas besoin. Pourquoi? J'ai une blonde, pas besoin. Pour un jeune, c'est à conseiller de s'en servir. Les gens ont l'air gênés d'acheter des condons. Qu'en pensez-vous? Ils ont tort. Ils devraient l'acheter. Je n'ai jamais utilisé, OK, moi, je change pas de partenaire très, très souvent. Ouais. Même pour dire, je change jamais. Avec ou sans condom, la question s'impose à partir des années 80, au moment du début de la crise du sida. Ces quelques commentaires recueillis dans les rues de Montréal par Marie-Claude Ancenne et diffusés à l'émission Au jour le jour en 1987 illustrent assez bien l'état d'esprit du temps. À partir des années 80, l'utilisation du condom devient une question de santé publique et tous les médias en parlent. Le condom existe pourtant depuis des temps immémoriaux. Déjà à l'Antiquité, on le connaissait. Et au fil du temps, on lui a donné toutes sortes de noms. Gants de Vénus, redingotes, lingotes, chaussettes et, bien sûr, la fameuse capote anglaise. Je souffle dans les capotes anglaises et j'en fais des ballons sondes, mais je vous mets à l'aise en 2 secondes. Je ne me les prends que pour ça. Des ballons saucisses, des aérostats. Vous avez peut-être reconnu Jane Birkin interprétant la chanson de Serge Gainsbourg, Les capotes anglaises. Pour nous raconter l'histoire du condom, je retrouve avec plaisir Évelyne Ferron. Évelyne, bonjour. Bonjour. Pourquoi une histoire du condom, Évelyne Ferron? C'est tellement lié à l'histoire de la sexualité. C'est lié aussi à l'histoire du voyage des maladies transmises sexuellement aussi. Donc, c'est très lié à la mondialisation, à la colonisation, à l'histoire du condom. À la façon dont les hommes vivent. Dont les hommes vivent, c'est un lien aussi, oui, avec la prostitution, mais pas que. C'est associé aussi même à la littérature, parce qu'à un moment donné, justement, certaines maladies transmises sexuellement, surtout donc la syphilis dont on reparlera, va tellement marquer l'imaginaire qu'on va réaliser qu'on n'a pas le choix de le porter aussi. Et là, de grands auteurs vont, qu'on associe beaucoup à des auteurs parfois même érotiques, vont nous parler aussi de l'utilisation du condom et de leur, je dirais, un méplaisir à utiliser le condom. Mais c'est vraiment une façon de voir... C'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de la mondialisation, c'est l'histoire des contacts entre populations et comment les maladies se sont transmises et comment la recherche médicale va finir par comprendre aussi comment ces maladies-là se transmettent. Donc, c'est fascinant. Et c'est une histoire ancienne. Ça arrive très, très tôt. Il apparaît quand, le condom ou l'ancêtre du condom? C'est sûr qu'on ne pourra jamais trouver le premier condom parce que ça a été utilisé avant l'écriture. On est pas mal certains de ça, qu'on a commencé à comprendre en fait comment les enfants se faisaient et que si on n'en voulait pas trop et qu'on voulait quand même avoir du plaisir, il y avait peut-être moyen de pallier en fait la transmission de la semence masculine. On sait que l'Égypte ancienne, la Mésopotamie très probablement aussi, utilisait en fait quelque chose d'élastique. Donc généralement les vessies, les intestins d'animaux, on peut remonter facilement, là, très probablement dans les 3000, 4000, même peut-être 5000 avant Jésus-Christ, parce qu'on n'a pas de traces ou de textes écrits qui nous le disent. Ouais. Mais on va finir par comprendre que si on recouvre le gland, ce qu'on en sait, c'est qu'on recouvrait juste le gland. On n'a pas besoin de recouvrir l'organe au complet. Donc, on garde une petite partie de plaisir quand même. On fait juste bloquer ce qu'on doit bloquer. Ça semble avoir été utilisé très tôt dans l'histoire pour empêcher les grossesses. C'est sûr que parallèlement à ça, on va utiliser aussi des fois des plantes abortives, mais elles sont très dangereuses parce que souvent, le dosage peut être mortel pour les femmes qui préfèrent avorter si elles craignent être enceintes. Donc, l'utilisation du condom va avec l'idée qu'on veut contrôler d'une certaine façon les naissances, mais continuer à la s'envoyer en l'air pour avoir du plaisir. Là, ça va ensemble. Ouais. Il sera, croyez-le ou non, moi je l'ai appris en préparant cette émission, par les Romains, on utilisera le condom comme arme de guerre, d'une certaine manière. Oui, et ça c'est particulièrement violent. Donc c'est pendant le contexte de la guerre des Gaules. Donc on est dans les années 50 avant Jésus-Christ. C'est sûr que ça n'a pas été des guerres faciles. On voulait gagner, mais les Gaulons étaient des adversaires vraiment redoutables qui ne combattaient pas du tout de la même façon que les Romains. Ça, ça a été un apprentissage quand même pour les armées de Jules César. Et après avoir gagné certaines batailles, on a quelques petits témoignages et peut-être même une représentation graphique qui laisse penser que pour humilier en fait les Gaulois jusqu'à la toute fin, bien, on a, vous allez me pardonner l'expression, mais enculé des cadavres de Gaulois. Mais pour ne pas se contaminer avec ça, bien, on justement recouvrait encore une fois le gland d'intestins d'animaux ou de vessies qu'on avait mangé ou qu'on avait tué sur le champ de bataille ou tout près. Mais c'était vraiment une façon d'humilier en fait les Gaulois jusqu'à la toute fin. Donc oui, les Romains sont allés jusque-là. Romains qui, on le sait, utilisaient les préservatifs. Ouais. Les familles des Romains dans l'Antiquité ne sont pas très nombreuses ou trop nombreuses. On sait que les femmes utilisaient parfois des plantes abortives, mais on semble avoir utilisé justement les intestins, les vessies animales pour essentiellement là, empêcher les grossesses. Mais l'Égypte ancienne, juste rapidement, avait trouvé aussi une autre façon qui, aujourd'hui, on sait, a pu être efficace. Ça s'appelait un pessaire. Donc, on faisait une boule, en fait, avec des déjections de crocodile et du miel. Et on enfonçait ça au col de l'utérus. On s'est demandé pourquoi les femmes faisaient ça. Et on a réalisé que la déjection de crocodile, en particulier, est tellement acide qu'un peu comme le vieux truc du citron, a probablement eu un effet spermicide aussi. Donc, ce sont des traditions comme ça que l'Antiquité a développées là, dans l'espoir de prévenir les grossesses. Mais ce n'est pas une époque qui connaissait nécessairement la maladie transmise sexuellement, ou du moins qui avait identifié ça directement. Mais ça viendra. Ça viendra plus tard. On y va quand vous êtes prêts. C'est bon pour moi. Parfait. Syphilis, bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour nos spectateurs? Bonjour. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Syphilis et je suis une IST. Infection sexuellement transmissible. Pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière? Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière il y a très, très longtemps et j'ai infecté les plus grands de ce monde. Schubert, Maupassant, Baudelaire, Lénine, Van Gogh. Et aujourd'hui, ça continue. Hein. Boulot, boulot, boulot, je suis hyper busy. D'autant que maintenant, je m'attaque au marché gay. Et donc, comment pouvez-vous expliquer votre succès dans le métier? Moi, ma grande force, ce sont les complications que j'entraîne. Des syphilis congénitales, comme des paralysies, ou alors tout simplement favoriser la transmission du VIH. C'est bon, vous avez ce que vous voulez? Extrait d'une publicité française présentée dans le cadre d'une campagne de santé publique qui a été réalisée en 2011, qui porte sur la question, vous l'aurez compris, des IST, les infections sexuellement transmises. On ne peut pas faire une histoire du condom, Évelyne Ferron, sans parler de la syphilis. Oui, mais j'adore cet extrait, c'est magnifique. Je savais que ça vaut, oui, hein? c'est vraiment bien fait. En plus, aller chercher des personnages historiques comme ça, je trouve ça très bien. Mais oui, la syphilis, elle est vraiment celle qui va alerter les médecins, qui va alerter à peu près tout le monde en Europe. Mais qu'est-ce que ce mal qui est en train de se répandre d'une manière quand même assez fulgurante? Ça va aller très, très vite au 15e siècle et au 16e siècle. En fait, ça va aller dans tous les pays d'Europe. Ouais. Et c'est ce qui explique qu'on va dire que c'est la carie française, les Espagnols vont dire ça, ou les Anglais, les Français comme Voltaire vont dire en fait que la première chose, le premier fruit que les Espagnols ont ramené des Amériques, c'est la syphilis. Ils vont s'attaquer comme ça. Donc, on va attaquer chaque pays, un peu comme la grippe espagnole, mais qui a eu d'autres noms, pour essayer de trouver le coupable. On sait à peu près aujourd'hui comment ça s'est répandu. Donc, la syphilis, d'ailleurs, vient d'une pièce de théâtre qui a été rédigée par un médecin, Fracastro, en Italie, qui a pris un peu le mythe des une histoire des métamorphoses d'Ovide, un berger qui était atteint d'un mal étrange. Il l'a appelé syphilis, et c'est comme ça en fait qu'on va appeler la maladie syphilis. Mais ce qu'on sait, c'est que ce sont des marins de Colomb, très probablement dans les archives. Première fois qu'on va commencer à en parler, oui, de Christophe Colomb, qui retourne en Italie, dans les ports italiens et les ports espagnols, vers 1495 à peu près. Aussitôt qu'on débarque des bateaux, ça fait des mois qu'on est en mer, c'est un classique. Les bordels sont là et les hommes peuvent enfin répondre à certains besoins, transmettre la maladie qu'ils ont contactée dans les Antilles, très probablement en ne se protégeant pas. Les transmettre aux prostituées qui, elles, voient des gens de partout dans le monde à tous les jours. Donc, et c'est comme ça, en fait, que... L'effet multiplicateur. Oui. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il y a un lien avec la mondialisation. C'est qu'on est allé dans les Amériques, on ne s'est pas protégé. Ouais. Et c'est un peu la vengeance, quelque part, des Antilles sur l'Europe en leur retournant la syphilis. Et ça va se répandre à une vitesse fulgurante parce qu'ils n'utilisent pas de protection ouais. vraiment à cette époque-là. Et on ne comprend pas, en fait, que le mal se répand sexuellement. Mais là, les médecins et les chirurgiens vont très rapidement se dire, OK, il y a quand même des symptômes assez évidents, des endroits ouais. évidents, les organes génitaux. Et ils vont commencer à faire des recherches pour essayer de comprendre cette maladie-là. Et c'est là qu'on peut dire que le condom complet ouais. va faire son apparition. Ouais. Pour se protéger, là, on quitte un petit peu le contrôle des naissances, ouais. qui était plus l'affaire de l'Antiquité, pour mm-hmm. revenir au contrôle des maladies transmises mm-hmm. sexuellement. Dans ces médecins dont vous parlez, il y en a un qui est important, Gabriel Fallop, mm-hmm. Incontournable dans l'histoire du condom. Pourquoi? Quelle importance il va avoir dans cette histoire du condom? C'est un chirurgien de Padoue. Pourquoi on a appelé les trompes de Fallop Fallop? C'est à cause de lui. Donc, Gabriel Fallopé, s'était intéressé, en fait, aux organes reproductifs, entre autres féminins. Et là, il réalise que la syphilis est vraiment un problème et que, bon, oui, c'est transmis sexuellement, mais il va faire la première étude clinique, en fait, sur ça et sur l'essai du condom. Il en parle d'ailleurs dans un livre qui a été publié deux ans après sa mort qui s'appelle De Malo Gallico, qui est, dans le fond, le mal mortel, où il s'intéresse aux maladies transmises sexuellement. C'est vraiment une bible, mm-hmm. c'est un départ, en fait, dans cette compréhension-là. Et lui, il va faire une étude clinique avec 1100 hommes qui vont accepter de se prêter au jeu et il va leur confectionner un condom en lin. Il faut imaginer que c'est en lin. Et là, il se dit, on peut pas juste couvrir le gland parce que dans le fond, c'est le contact génital qui est le problème. Et là, on a vraiment le premier condom qui se rend vraiment jusqu'au bout. Ouais. Et il va développer un petit cordon rose pour plaire aux dames, pour les essais cliniques. Que ce soit coquet. Ben, oui, parce que c'est sûr que ça devait surprendre quand même un condom en lin. C'est pas la même chose qu'un condom transparent. Mais il réalise que les hommes qui vont le porter n'ont aucune contamination. Alors que les hommes qui ne le portent pas peuvent revenir avec ce qu'on appelait à l'époque la chaude pisse, qui est la gonorrhée ou la syphilis, qui sont les deux maladies transmises sexuellement là, du 16e siècle qui font ouais. vraiment des ravages en fait en Europe. Ouais. Donc là, il y a vraiment une étape importante qui est franchie et les des figures célèbres comme celle de Casanova qui s'adonne avec abondance au plaisir de la chair mm-hmm. vont adopter le condom. Ils n'ont pas le choix en fait parce que là, on réalise que la syphilis, elle est dangereuse. On ne savait pas comment la soigner. Alors, le seul remède qu'on avait pensé, c'est trempez-vous le pénis dans le vin blanc pour au moins, oui c'est ça, pour au moins essayer de désinfecter ce qui se passe, mais c'est que ça pouvait aller jusqu'à des problèmes neurologiques et on a commencé à l'époque de Casanova, rendu au 18e siècle, on commence à comprendre que les conséquences de la syphilis sont très graves. Ouais. Et oui, donc les libertins vont l'utiliser, Casanova en parle dans ses écrits, il dit « Je suis obligé de m'enfermer dans un bout de peau morte pour montrer que je suis bel et bien vivant. Ouais. » C'est une citation magique, mais on voit que le condom avec encore une fois des vessies animales est encore utilisé pour c'est l'élasticité. C'est du costaud. On est encore dans le costaud. Oui, mais c'est de l'élasticité. On aime plus ça que le condom en lin parce qu'on ouais. trouve qu'au moins le contact est peut-être un petit peu plus intéressant. Donc, on voit que Casanova utilisait aussi ça, mais on sait qu'à son époque, on a vraiment développé le condom réutilisable en lin avec des super belles images un peu, bon, on va dire un peu coquines dessus, que les hommes remettaient dans un écrin et lavaient et apportaient avec eux. Comme ça, ben, s'ils avaient la chance de pouvoir marquer un coup, comme on dit, surtout pour un Casanova, ben, ils avaient ce qu'il fallait à portée de main et s'assurer ouais. en fait qu'il n'y ait pas de problème. Parce que chez la femme, on s'était rendu compte que c'était beaucoup moins facile à voir que chez l'homme aussi. Ouais. Là, il a commencé à avoir une inquiétude. Donc, Casanova est vraiment un bon représentant, en fait, de cette crainte-là. Pour qu'un homme comme lui ose le porter, même s'il n'aimait pas ça, c'est que la peur des conséquences de la syphilis était bien connue maintenant. Et puis, cette époque de libertinage du 7e, 18e, c'est comme un... Je pense qu'on peut dire que c'est comme un premier âge d'or du condom dans l'histoire. Oui. Le condom moderne, il apparaît... Parce qu'au début, c'est pas particulièrement joyeux et c'est même assez compliqué d'enfiler un condom. Mm-hmm. C'est pas une mince affaire. Le condom moderne, Évelyne Ferron, il apparaît quand? Il apparaît avec le condom en caoutchouc. C'est oui. ce qui sauve, ce qui modernise le condom. Il faut remercier Charles Goodyear, en fait, ouais. vraiment. Fin 19e? Oui. Lui développe le procédé de la vulcanisation à la fin des années 40, en 1848, qui est vraiment le procédé qui permet de rendre le caoutchouc beaucoup plus élastique et donc beaucoup plus souple. Et c'est ce qui fait que graduellement, ben, les compagnies de condoms vont dire « Ah! » Mais voilà, là, on a quelque chose de génial, en fait, qui va vraiment épouser la forme de l'organe génital et qui va être beaucoup plus mince, c'est plus agréable pour l'homme et pour la femme. Et c'est comme ça que les compagnies de condoms que vous connaissez arrivent toutes à peu près dans les années 1910. Là. Trojan arrive très, très rapidement en disant « Comme une forteresse imprenable des Troyens, voici notre condom ». Vous avez la compagnie Ramsès. Trojan et Ramsès sont des compagnies américaines. Ouais. Et en Angleterre, parce que l'Angleterre, justement, à partir du 18e siècle, va vraiment beaucoup commercialiser les condoms en lin. Bien là, Durex arrive aussi en Angleterre, toujours avec le même procédé. Et là, on peut dire qu'enfin, non seulement il est accessible, il est à un prix abordable, on n'a pas à le réutiliser, donc les gens vont le trouver peut-être un peu plus intéressant. Et comme on est à une époque où le voyage est vraiment facile, de plus en plus facile, et qu'on fréquente des femmes et des hommes d'un peu partout dans le monde, de plus en plus, ben ça devient une protection intéressante aussi à ce moment-là. Donc, caoutchouc aux 1840 à peu près, latex qui est en 1880, puis là, il y aura toute une déclinaison, la couleur qui arrive au début, les textures qui arrivent au début du 20e siècle. Là, on remercie les Hollandais. Ouais. À partir de 1901, il y a une condomerie, c'est vraiment une des premières en Hollande qui dit, ben maintenant qu'on a le caoutchouc très extensible, on peut s'amuser, là, ils vont s'amuser à faire les premières nervures, les premières couleurs et les premières saveurs aussi. 1901, donc on aurait pensé que ça aurait pu être plus tardif que ça, mais déjà, ça y est, c'est sur le marché à ce moment-là. On arrive au 20e siècle avec une petite tiédeur, disons ça comme ça, même un grand refroidissement. Après la guerre de 14-18, le condom n'a pas très bonne presse. Il l'avait pendant la guerre, par contre, parce qu'on sait que les soldats, bon, des fois... en profiter, mais c'est sûr qu'au retour, la baisse démographique est quand même marquée, surtout en Europe. Et ça, c'est un phénomène plus européen que nord-américain, par contre. Je dirais qu'en Amérique du Nord, c'est la religion qui compte le condom parce qu'on doit penser qu'au Québec, je vais vous donner un exemple un peu personnel, mais mon grand-père se faisait regarder de travers quand il achetait des condoms au magasin général, mais il ne voulait pas perdre sa femme, il ne pouvait plus se reproduire. On était encore là. Donc, la religion était peut-être un peu plus le facteur en Amérique du Nord, mais en Europe, c'est la démographie. Donc, oui, c'est vu d'un mauvais œil parce qu'on veut repeupler, on a besoin que les familles redeviennent nombreuses. Et donc, on va, je dirais, moins encourager l'utilisation du condom et plus encourager les couples durables et le fait d'avoir des familles nombreuses. Donc, il y a un petit changement par rapport à ça qui aidera peut-être pas la diffusion de certaines maladies d'ailleurs. Ouais. Deuxième guerre mondiale, on parlait de la première. Là aussi, le condom, durant la Deuxième Guerre mondiale, va être beaucoup utilisé et parfois de manière insoupçonnée. Oui. En fait, pensons au débarquement de Normandie, mais dans plusieurs situations où on a marché dans l'eau et tout ça, on a peur que les canons rouillent et on va utiliser les condoms pour recouvrir les canons des armes à feu. Et on disait, en fait, pas besoin de le retirer pour tirer un coup parce que, bon, c'est une arme à feu, mais on va les utiliser effectivement à cet effet-là et ça fonctionne parce que on est vraiment rendu avec le latex, ça protège vraiment bien les canons des armes. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une bonne production du condom, mais donc pas juste pour la sexualité. Évidemment, tous les soldats américains en ont parce que l'armée distribue pour leur usage premier des condoms à tous ces hommes. On les veut pas malades non plus. On sait que ce sont des hommes et qu'ils ont aussi des besoins. On ne sait pas combien de temps, encore une fois, cette guerre-là va durer. Il y a tellement de facteurs. Donc, oui, on veut qu'ils se protègent, mais on va trouver effectivement d'autres usages au condom qui vont être vraiment militaires et beaucoup plus pratiques, en fait, à leurs yeux encore. Là, que début des années 80, Evelyne, la crise du sida qui frappe, qui surprend tout le monde, puis les gens qui ont un certain âge se souviennent des ravages que ça fait. Le condom devient à ce moment-là vraiment un élément majeur des politiques de santé publique. Oui, là, on le remet en avant-plan, mais là, on en parle. Il fait partie des cours à l'école. Avant, c'était quelque chose dont on discutait à la maison. Papa, maman vont dire, bon, protège-toi ou quelque chose comme ça. Mais à l'école, c'était peut-être pas encore si mis en avant-plan. Il faut parler aussi quand même que les années 70, l'amour libre et tout ça, le condom n'était pas nécessairement ce qui a été le plus utilisé. Mais effectivement, là, l'arrivée du sida, l'identification de la maladie, de ses conséquences aussi, le fait qu'on n'était pas capable de la traiter, à même titre que la syphilis, va faire en sorte que c'est partout dans le monde, en fait, que rapidement, là, on va en parler à la télévision, on va en parler dans les émissions de radio partout. Et à l'école, on va enseigner aux jeunes dans les classes comment l'utiliser, comment le mettre assez tôt, en fait, parce qu'on sait que certains jeunes ont une sexualité précoce. Mais en même temps, on voulait aussi prévenir les filles mères à une époque où le féminisme aussi fait son entrée. Donc, il y a comme un double enjeu avec le condom à ce moment-là. Puis il y aura, ça va rappeler des souvenirs à certains de nos auditeurs, il y aura vraiment à la télé, on va en parler partout, parce que ça devient une nécessité, encore une fois, sur le plan des politiques de santé publique. Et vous allez sûrement, en écoutant l'extrait qui suit, vous rappeler de quelque chose de similaire que vous avez vu quelque part. Alors, nous allons procéder à cette démonstration. Docteur Steben, je vais enlever ce... Vous avez un condom que vous allez poser. Les femmes qui ont des bagues, les femmes qui ont les ongles très longs, sont... Enfin, c'est c'est possible de briser le condom quand même. Hein? Et aussi, il y a des gens qui vont essayer de souffler dans les condoms pour voir s'ils sont corrects. Il ne faut pas le faire parce qu'ils ont déjà été testés à la manufacture pour être sûr qu'ils ne sont pas brisés. Alors, il faut on l'insère sur le gland. Vers le haut. Et puis on le descend. On le déroule complètement. Lorsque le condom est bien posé, on prend le temps de presser sur le réservoir pour le vider, parce que le réservoir est déjà plein d'air et l'air perd son efficacité. L'air va se répartir, va disparaître. Maintenant, il y a toute la panoplie on va passer très vite là-dessus, parce qu'il y a toute la panoplie des condoms qui sont vendus dans les sex shops. Oui. Ces condoms-là sont... Enfin, on doit les voir comme des jeux sexuels, mais en aucun cas, il faut s'en servir comme méthode de contraception ou comme prévention des infections. Ils n'ont pas été testés. Hein? C'est ça. Et nous allons terminer avec celui qui est dans les distributrices des écoles. C'est un condom qui est parfaitement sécuritaire. Oui, c'est un condom. Je n'ai pas le dossier de sécurité du condom, mais c'est un condom qui doit être considéré efficace, qui est disponible de plus en plus dans les restaurants, les bars. Fait que pour les rencontres non préparées, c'est la méthode de protection. Dr. Thébène, nous avons fait notre travail de prévention. Je vous remercie beaucoup de nous avoir aidé. C'est un plaisir pour moi. Le docteur Marc Stébène, qui est au micro de Normand Harvey à l'émission Au jour le jour, on est en 1987. Ça peut paraître un peu surréaliste d'entendre ça à la radio aujourd'hui, mais Évelyne Ferron, parce qu'on en parle, mais vraiment, c'est très pédagogique, didactique, c'est très sérieux, mais c'est une affaire très sérieuse à ce moment-là. Ah oui, et on a peur là, dans les années 80. Le condom, on parlait d'armes de guerre à l'époque des Romains, devient une arme de guerre contre le sida. Exactement. Ouais. Et comme je disais, un peu une arme du féminisme aussi, pour dire aux jeunes filles... Bon, moi, je suis cette génération-là aussi, il faut quand même le dire, mais on se faisait dire qu'il ne faut pas être fille-mère. Là. Je veux dire, à 14, 16 ans, si vous êtes mère... Protège-toi, ma fille. Votre vie est foutue, quelque part. Donc, à l'école, c'est important. Ça ramène en fait l'enjeu de ramener des cours d'éducation à la sexualité aussi, même dans le présent, présentement. L'idée qu'on doit savoir comment se protéger, quelles sont les maladies, tout ça, les conséquences parfois d'avoir des activités sexuelles non protégés, mais c'est sûr que le sida est venu ramener le condom et le rendre peut-être populaire. Et on était obligé de le dire. Si on se rappelle dans les publicités, c'est pas gênant d'aller dans une pharmacie, d'acheter des condoms, au contraire, parce qu'il y a toujours eu cette espèce de gêne. En 2018, on ose espérer que c'est moins gênant. Je pense qu'il y a eu une petite révolution. Oui, là. C'est ça. On arrive à la pharmacie, puis c'est pas supposé être un problème. Il y avait une nécessité, et ça a marché, le condom. Il y a un changement de mentalité qui a fini par se faire. Ouais. Oui. Dans l'ensemble. Mais c'est sûr qu'aussi, les compagnies savaient comment rendre ça peut-être un petit peu plus ludique. Ouais. Je veux dire, la marque Ramsès, pourquoi elle s'appelait Ramsès? Ce Ramsès aurait eu plus de 100 enfants dans sa vie. Donc, c'était un peu une blague de dire, si vous voulez pas être Ramsès, ben voilà les condoms. Ouais. Comme on dit, Trojan, c'était vraiment pour dire, on est aussi imprenable qu'une forteresse. Donc, il y avait quand même une publicité un peu ludique autour. Au-delà du des marques, le mot lui-même, condom, pourquoi? Ça vient d'où? Ça vient d'où? On croit, les Anglais vont toujours dire, ça vient du docteur Condon, qui était le médecin de Charles II, qui le traitait. Puis lui aussi, c'est pas les Italiens, c'est nous les Anglais qui avons, parce qu'on parle de redingote anglaise entre autres, qui avons inventé le condom. Il existe une ville gasconne aussi qui porte le nom de condom, donc on s'est posé la question. Mais pourtant, généralement, quand on regarde comment ça a évolué dans les archives et dans tous les pays, que le nom se ressemble, on croit vraiment que c'est une origine latine, condere, qui veut dire dans le fond, justement, protéger, bloquer, empêcher, un peu ce sens-là, et qui va donner donc le mot condom, probablement dans à peu près toutes les langues, probablement popularisé par contre par les Anglais, et ensuite francisé, italianisé, espagnolisé par la suite. Évelyne Ferron, historienne, spécialiste de l'Égypte gréco-romaine, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke et au Collège Mérici. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Marie-Claude Picard. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Je souffle dans les capotes anglaises, Zeppelin, Explorer 2, ça crée un malaise. C'est pas sérieux, satellite artificiel, monté vite jusqu'à